La guerre civile est panneau mortel. Les envahisseurs ne se cachent même plus. Ils prêtent allégeance à l'islam et non à la république. Ils ne souhaitent pas s'appeler Bernard, Jean-Paul Étienne ou Balthazar. Éric Zemmour, si tu voyais Israël, ce qu'ils avons fait. Viens au chaud dans ton privilège, tu vas jaser des bougnoules, des syndicalistes et des négros, des tapins et des traglots. Vous endoctrinez nos enfants, vous voulez qu'ils se coupent la bite, et un jour, bon an, mal an, on va vous couper la bite. Les migrants contrôlent nos places sanitaires, vivement qu'ils reviennent à Adolf Hitler. Tous ces Africains venus d'Afrique finiront à la chaise électrique. La notion dans ton privilège, tu vas casser des brioules, des syndicalistes, des négros, des tapins et des travaux. La notion dans ton privilège, tu vas casser des brioules, des syndicalistes, des négros, des tapins et des travaux. Trop de melons et de litrons, Maurice Papon avait raison. Les bougnoules se croient tout permis, ils ont décapité Samuel Tapi. Rien ne va plus dans ce pays, on se demande bien la faute à